Chapitre 6e, la clé du mystère. Sans perdre une minute, en arrivant à Paris, l'inspecteur se rendit chez M. Démarre. Allègre s'y trouvait, attendant avec impatience des nouvelles. « Je n'ai pas perdu mon temps, je crois, » dit le phoque en enlevant ses lunettes et en regardant fixement le jeune homme. « Voyons, répondez-moi franchement. Avez-vous connu le docteur Castel ? Jamais. Et un M. Ringade ? Ringade ? Ah, pour celui-là, attendez donc. » « Oui, c'est bien cela. Oui, ce Ringade, je l'ai connu. »« Et dans quelles circonstances ? Racontez-moi bien cela. »« Et soyez franc. Je sens que c'est là le nœud de l'affaire. »« Mon Dieu, c'est bien simple. Je peux vous l'avouer maintenant. »« Il y a 6 ans, j'ai eu besoin d'argent et on m'a adressé à ce monsieur Ringade qui se disait agent d'affaires et demeurait rue de Paradis. »« J'y suis allé et il m'a très facilement accordé 2 000 francs. » Il n'a mis à ce prix qu'une seule condition, c'est que je m'assurerais sur la vie. C'était assez juste. Dans mon métier de voyageur de commerce, on est exposé à des accidents. J'ai donc consenti. J'ai signé pour 2 200 francs de billets, échelonné de mois en mois, et j'ai contracté une assurance. Cela m'a même coûté assez cher, 100 et quelques francs pour les frais. Parfait, s'écria l'inspecteur en se frottant les mains. Et cette police, où est-elle? Mais c'est M. Ringade qui l'a gardée, comme de juste. « Et pour quelle somme étiez-vous assuré ?»« Je ne me rappelle pas trop, mais c'était beaucoup, près de 100 000 francs. » Comme je faisais observer à M. Ringade que cela me paraissait exagéré, il m'a dit en riant « Oh, qu'est-ce que ça vous fait? Qui peut le plus, peut le moins. Et aussitôt que vous m'aurez remboursé, vous lâcherez l'assurance. C'est ce qui est arrivé. »« Maintenant, je devine tout, » dit l'inspecteur. « Votre M. Ringade et le docteur Castel sont 2 filous. » Le premier vous a fait signer une police d'assurance à son profit, à vous qui étiez bâti en Hercule. Puis il a déniché un pauvre diable de poitrinaire qu'il a conduit à la maison de santé de son associé, où on l'a inscrit sous votre nom. Rien n'a été plus facile. Il a suffi de demander votre acte de naissance dans votre pays natal. Au bout de quelques mois, le faux Antoine Allègre a claqué. On a dressé l'acte en bonne et due forme, et on est allé toucher le montant de la police. Le tour était joué. De peur que quelqu'un discret ne découvre le pot aux roses, on a liquidé la maison de santé et on a filé. Parions que l'agent d'affaires a fermé sa boutique comme le médecin et qu'ils sont allés sous d'autres climats, recommencer leur petit manège. M. Démarre et Allègre considéraient avec étonnement le vieil inspecteur. Sa taille obèse se redressait. Ses yeux, tout à l'heure, ternes, étincelaient maintenant. Il parlait d'une voix claire et incisive. Il était transfiguré. S'asseyant, il leur raconta les péripéties de son voyage à Meudon, les réticences du menuisier et les recommandations de sa femme. « Mais je ne crois pas qu'ils soient pour quelque chose dans l'affaire, » ajouta-t-il. « Ce sont de braves gens, timorés et craignant de se compromettre. D'ailleurs, s'ils avaient eu leur part du gâteau, ils seraient plus calés qu'ils ne le sont, car ils ont l'air de pauvres diables. » « Et puis, » fit-il en haussant les épaules, « tout ça, c'est des déductions. Il s'agit de savoir si elles ne pêchent pas par la base. » « À quelle compagnie d'assurance avez-vous eu affaire ?»« Une compagnie anglaise dont je ne me rappelle pas bien le nom. Je sais seulement qu'il y avait le mot Scotland. »« Bien. Nous chercherons ça. Du reste, nous verrons, M. Ringade. Venez me prendre demain matin à 9 heures à la sûreté. Nous ferons la course ensemble. »